de l'hiver, tout au froid, tout au blanc, tout de givre et de gel, telle sera ma maison. Regarde dans la neige, mes pas te conduiront, étranger de mes rêves, jusque dans ma maison, oui, tam ta da di da di da den, tam ta da di da di da don, tam ta da di da di da den, tam ta da di da di da don, da di don, da di don. Tout au bout des musiques que fredonnent les vents, bien plus loin que le givre, au début du printemps, les flocons s'attendrissent et tombent en dansant des balais fantastiques sur le toit de ma maison, oui. Tam ta da di da di da den, tam ta da di da di da don, tam ta da di da di da den, tam ta da di da di da don, da di don, da di don. Tout après la rivière, le chemin n'est plus long, les forêts tu traverses, les bois te conduiront, étranger de mes rêves, jusque dans ma maison. Tout après la rivière, le chemin n'est plus long, n'est plus long. Tam ta da di da di da da, tam ta da di da di da don, tam ta da di da di da den, tam ta da di da di da don, da di don, da di don. Tout au bout des saisons, tout au long de l'hiver, j'ai chanté ma chanson, mais mon cœur est en peine car le premier printemps s'est couché sur la neige, étranger de mes rêves. T'as manqué ma maison, ouais. Tam ta da di da di da da, tam ta da di da di da da, tam ta da di da di da da, tam ta da di da di da da, tam ta da di da di da da, tam ta da di da di da da.